Yeah, 2009, et ma tombe, est-ce qu'il y a des la hache? Yeah. Qui veut du RAP? Tu veux du RAP? Qui veut du RAP? Tu veux du RAP? Qui veut du RAP? Tu veux du RAP? Tu veux du RAP qui arrache? Ce son met des coups de cravache. Fais gaffe à l'attaque, j'ai la rime des bras qui fracasse. SKI2LAH, des boules sur la scène, retire ton rap, c'est clic, c'est claque. Sinon je le transforme en carcasse. On casse des buts, une casse des îles pour ceux qui disent que j'ai la niaque. En guise de flèche, j'lâche mes rimes sur le régime avec mon arc. Fais-y, cousy le niax. Les MC craquent à l'arrivée du street album sur la track. Ça fait, c'est 2009, ça rap, c'est que c'est l'ego trip. Représente pour ma putain de section. Toujours d'attaque, H24 dans 5-9. C'est 2009, ça rap, c'est que c'est l'ego trip. Représente pour ma putain de section. Toujours d'attaque, H24 dans 5-9. Qui veut du RAP qui frappe fort, qui t'allonge direct comme Fader. Le son de mes KO, tu veux te relever, non, tout compte Fader. Le rap de merde, on s'en passe, mais leur CD sort des centasses. Nous on rappe avec la rage, l'envie, la passion, mais mes centasses. Mais sans blague, sans taf, tu ramasseras pas de billets. On s'en tape de ton rap, je lui mets 3 points à l'NBA. T'as la haine, arrête de le nier, j'suis déter et ça tu le ressens. Des rappeurs, y'en a des milliers, mais pas un seul qui me ressent. Je me présente MC Bullet, le rap français, est-ce qu'il est là? J'ai pour mission de l'égorger, en fait, you want it comme Esquila. Personne va me retrouver, j'te le dis, cache même pas au ratio. Vos carrières sont terminées comme celles de Vicache, de Rasso. Putain, là, j'suis à l'aise, donc faites-moi pas piquer un Far West. Sinon, j'vais dégainer et tout niquer comme dans un Far West. En bref, j'vous ai kill avec un putain flow de barbare. Et ma tombe, c'est la team, vas-y, j'm'arrache, c'est des dards. C'est 2009, ça rap, c'est que c'est l'ego trip. Représente pour ma putain de section. Toujours d'attaque, H24 dans 5-9. C'est 2009, ça rap, c'est que c'est l'ego trip. Représente pour ma putain de section. Toujours d'attaque, H24 dans 5-9. Veux du RAP, crier RAP, c'est RAP, c'est RAP. Qui veut du RAP, crier RAP, c'est RAP, c'est RAP. Qui veut du RAP, crier RAP, c'est RAP, c'est RAP. Qui veut du RAP, crier RAP, c'est RAP, c'est RAP. Qui veut du freestyle qui arrache et du bon son qui dégomme. Alors gros débarque sur ma page, y'a la nouvelle tête des matomes. C'est le nouveau son qui t'affole, qui dans les bacs cartonnent. Alors mets-toi bien et fais tourner, parce que je te jure c'est de la bonne. On te t'appelle va t'assomme. Vas-y tiens prends le pack son. En plus frère t'es un brave, j't'en fais cadeau comme dirait Paxson. Voilà comment se passe business avec ces bâtards Picsou. Au début ils te la donnent, après ils te vendent la mort en picous. Sérieux y'a de quoi psychote et en devenir taré. Si tu y touches on clicote et tu ne peux plus t'en séparer. Préparé, stop psycho à affronter le cyclone. À peine sorti du comico qui fume déjà cyclope. Le mec est en descente, il bat car il n'a pas sa drogue. Descendre, il braque pour avoir sa dent. Question, le délinquant est-il celui qui est en manque ou celui qui vend sa merde et qui a fait sauter la banque?